derrière ton sourire, sur les bords des fontaines d'un cœur sensible, est gravé le nom innommable de l'amour impossible. Mais c'est d'amour et sans délicatesse. Vivre 5000 jours de bonheur.